de lèvres, c'est si bon. Ces notes mouillées de rosée dans nos arpèges de baisers. Sur mon solfège de dansant, dansons encore cette belle histoire entre toi.